إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، عفو غفور غفار لا يزل ولا يزال بعفوه معروفا، وبالصفح عن عباده التائبين موصوفا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وجميع الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا والشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعذنا من هؤلاء الأربع. أحبتي الكرام، شيخاخ شيخساخ، on continue بإذن الله dans l'explication de ce verset. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc dans le cours précédent, on s'était arrêté dans les trois catégories de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-tawhid, qui a été classé en trois catégories. On a vu tawhid ar-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, ou l'unicité de la seigneurie. Le deuxième, l'unicité dans l'adoration. توحيد الربوبية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب. Et la troisième catégorie, c'est توحيد الأسماء والصفات. La troisième catégorie, c'est l'unicité dans les noms et attributs. Et on a dit que les savants, هذا السنباط, on a vu que les savants ont déduit de certains versets, de certains hadiths, qu'il y avait trois catégories. À titre d'exemple, je vais en donner deux de versets à partir desquels les savants ont donné ces trois catégories de tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, il est dans Surat al-Fatiha. Et le deuxième, deuxième exemple que je vais donner, il est dans Surat Maryam. Dans Surat Maryam. Donc le premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Donc dans la Fatiha, donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, هذا القسم, donc cette catégorie, c'est Tawhid al-Ibada, Donc cette catégorie, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, donc louange à Allah, Seigneur de l'univers, Ada, Tawhid, Al-Ibada. Et c'est par la louange que les serviteurs rendent à leur Seigneur cette parole de Rabbil Alamin. Donc dans ce verset, deux noms d'Allah sont cités. C'est le nom l'afdul jalala. Alhamdulillah. Allah, on dit que hadha l'afdul jalala. C'est le nom de majesté. Allah. Hein? Et on a l'autre nom, Rabb. On a Allah et Rabb. Donc, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Yassin, salamun qawlam min rabbin min rabbin rahim. D'accord, comme dans surat Yassin. Donc ici on a deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc هذا القسم c'est l'unicité. Donc c'est l'unicité dans la divinité. Dans la divinité. C'est on atteste comme quoi c'est Allah le créateur, c'est Allah Rabbul Alamin. D'accord? Ar-Rahman, ensuite on dit quoi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ensuite, on dit le très miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, hadha al-qism, donc cette catégorie, les savants ils ont dit c'est l'unicité dans les noms et attributs. Ar-Rahman, Ar-Rahim, unicité des noms et attributs. Ensuite, Malik Yawmiddin, maître du jour de résurrection ou de rétribution, Malik Yawmiddin, c'est l'unicité dans la seigneurie. L'unicité, c'est Tawhid, Ar-Rububiya. D'accord? Maître du jour, donc, ici, on atteste que c'est le maître toujours de la résurrection. Que c'est Allah Azzawajal qui va donner la rétribution à chacun. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Malik Yawmuddin. C'est le jour de la rétribution. La rétribution. Et on a, donc ça c'est le verset, donc on a les trois catégories dans Surat Al-Fatiha. Ensuite, on a surat Maryam. Dans surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset وَإِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Donc dans ce verset, les savants, ils l'ont décortiqué et ils ont trouvé qu'il y avait les trois catégories de tawhid. Dans le premier, وَإِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah, c'est Allah qui appartient. Ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre et ce qu'il y a entre les deux. Fa'budhu wastabir li ibadati. Adore-le. Yani adore Allah subhanahu wa ta'ala. Adore-le et sois patient dans son adoration. Et vous savez très bien que al-sabr, parmi les catégories de patience, les savants, ils ont divisé la patience en trois catégories. Et parmi ces trois catégories, on a as-sabr fil ibada. D'accord? On a la patience dans l'adoration. Hein? As-sabr ala maharimillah, as-sabr ala aqdarillah, as-sabr ala ta'atillah. D'accord? Les savants, ils ont dit que la patience est divisée en trois. La première, la patience face aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? La patience face aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a la patience face à ce que Allah nous a interdit, comme l'alcool, comme la fornication, comme il faut que tu fasses attention, il faut pas que tu tombes dans ces interdits. Et on a la patience, la troisième catégorie, la patience dans Akbar Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné. Donc ce que Allah azza wa jalla, si par exemple tu as un accident, que ce soit le bien ou le mal, il faut que tu... Et surtout le mal, il faut que tu sois patient. D'accord? Les épreuves. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Maryam, il a dit « وَإِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ » Ici, c'est un ordre. C'est un ordre, fa'budhu. Ici, c'est un ordre. C'est pas si tu veux, adore-le. Non, c'est tu dois l'adorer. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Et sois patient dans son adoration. Hel ta'lamu lahu samiyya? Est-ce que tu peux lui donner un sens? Est-ce que tu peux ici hadha istifham? Hel ta'lamu lahu samiyya? Ce qu'il y a, c'est que il n'a pas de sens. Il n'y a pas quelque chose qui lui ressemble. Subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui lui ressemble. Ici, les savants, ils ont dit, c'est Allah qui appartient, ce qu'il y a dans le ciel, et ce qu'il y a sur terre, et ce qu'il y a entre les deux. Ils ont dit ça, c'est Tawhid Asma wa Sifat. Donc ici, Afwan. Ici, on a Tawhid Ar-Rububiyya. Wallahi, c'est Allah qui appartient, ce qu'il y a sur terre, et sa création, c'est ce qu'Allah a déjà créé. Comme on a vu que la création, le fait de faire vivre et de faire mourir, ça appartient à Allah, de donner la subsistance, et donc ça appartient à Allah. Donc, on a dit Tawhid Ar-Rububiyya. C'est l'unicité dans la seigneurie. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ici, l'unicité dans l'adoration. Ici, l'unicité dans l'adoration. Tawhid Al-Uluhiyya. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ensuite, on a la troisième catégorie, c'est quoi? Hel ta'lamu lahu samiyya. Il n'y a rien qui lui ressemble. Hel ta'lamu lahu samiyya? Il n'y a rien. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans notre verset, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui qui voit, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui écoute. Il est audient et il est clairvoyant, subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, on a deux exemples de versets où les savants, ils ont déduit les trois catégories de tawhid, tawhid uluhiyya, tawhid rububiyya, tawhid asma wa sifat. D'accord? Et subhanallah, celui qui atteste, qui est étonnant, c'est celui qui atteste et qui confirme et qui croit au tawhid rububiyya, automatiquement il doit croire au tawhid uluhiyya. Celui qui croit en l'unicité dans la seigneurie, il doit automatiquement croire en l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire, si tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui et ainsi de suite. Comment tu peux ne pas l'adorer, subhanahu wa ta'ala? Comment tu peux ne pas l'adorer? Et donc, ces mouchriquins, ils croyaient en tout cela, et on verra les versets bi'inillah, ils croyaient en tout cela, et ils ne l'adoraient pas. Et ils adoraient des statues, et ils disaient comme quoi ils étaient impurs. Et que ces gens, ces statues, elles étaient pures, et qu'il fallait qu'ils se rapprochaient de ces statues pour que ces statues, à leur tour, fassent monter les actions envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'était de la folie. Wallah, c'est de la folie. Comment tu peux adorer une statue qui n'écoute pas, qui peut rien pour toi? Walayadu billah. Donc, innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa. Il disait, voilà, c'est pour qu'ils nous fassent rapprocher d'Allah. En fait, on ne les adore pas. Mais en fait, c'est des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment, vraiment à côté de la plaque. Donc, et celui qui, regardez, donc ça va de soi, celui qui croit en l'unicité dans la seigneurie, il doit automatiquement croire en la seigneurie dans l'adoration. Et celui qui croit en la seigneurie dans l'adoration, il doit automatiquement croire en l'unicité dans la seigneurie. Et ici, d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois automatiquement croire que c'est lui qui t'a créé, que c'est lui qui t'a donné l'ouïe, que c'est lui qui te donne la subsistance, si tu l'adores. Automatiquement. Et si tu crois en l'unicité dans les noms et attributs, tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il te voit. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il fait vivre. Et il descend le dernier tiers de la nuit. Que lahu al-asma al-husna. Wa illa al-asma al-husna fad'uhu biha. C'est Allah Azza wa Jal qui a les plus beaux noms. Donc, invoque-le avec ces noms-là. D'accord? Donc, à chaque fois que on croit en une catégorie, automatiquement, on doit croire aux autres catégories. Automatiquement. Donc, et c'est kuffar si ils avaient ce tawhid, mais et quand on leur demandait qui, on verra les versets, qui vous a créé, ils disaient Allah. Quand on leur a demandé qui a créé les terres et les cieux, ils disaient Allah. Et comme subhanahu wa ta'ala, il a dit dans sourate Az-Zukhruf, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Az-Zukhruf, il dit, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Et dans sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Et dans la sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il ensuite qu'ils se détournent du chemin droit? D'accord? Et aussi on a le verset dans sourate Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. D'accord? Ici dans sourate Younes, Allah a dit, dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort, et il fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Subhanallah. Ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez donc pas. Afala tattaqun, vous ne craignez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis que c'est Allah qui fait tout cela et ensuite tu l'adores pas. D'accord? C'est comme si tu arrivais dans une classe et qu'il y a le prof, il y a un prof, il y a l'instituteur, il donne le cours et tu arrives et on te pose la question, on te dit qui est l'instituteur dans la classe. Tu dis Allah, mais tu ne veux pas suivre les cours et tu ne veux pas écouter ce qu'il dit. C'est de la folie. C'est de la folie. Tu vas, subhanallah, tu es dans un cours, tu es dans une école. Et tu dis que c'est le prof qui doit te donner les cours et ensuite tu suis pas les cours. Subhanallah, ici c'est pareil. Ils disent que c'est Allah qui les a créés. Allah, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui vit. Et ensuite, il l'adore pas. Subhanallah. Et aussi, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Donc, à chaque fois qu'il y avait cette question, à qui appartient la terre et ceux qui sont dessus, si vous savez, ils diront Allah. Dit, ne vous souvenez pas. Donc, dites à qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime, ils diront, ils appartiennent à Allah, ne craignez-vous donc pas. Dit qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège, et il n'a pas besoin d'être protégé, ils diront Allah, comment se fait-il que vous soyez ensorcelés? Allah, ils avaient ce tawhid al-rububiyya, mais ils ne voulaient pas suivre. D'accord? Et il y a plusieurs versets à ce niveau-là, donc qui montrent Tawhid al-Rububiyya, comme quoi ils avaient ce Tawhid al-Rububiyya. Et on dit Tawhid awwalan wa akhira. Il y a plusieurs hadiths sur l'importance de l'unicité et c'est ton passe pour aller au paradis bi'idhnillah. Si tu arrives le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, le jour de la rétribution, que fi sahifatika shirkun wa nifaqun wa fala tadkhul al janna amma ashab al tawhid fa innahum la yukhalladun fi al nar. Et donc le premier commandement c'est at tawhid, et la première interdiction c'est la mécréance, ash-shirk, et c'est ash-shirk. Et le prophète alayhi salatu wa salam, comme vous le savez, il disait à son qom, Ya qom, abudullah, ma lakum min ilahin ghayru. Il disait, Ya qom, koulou, la ilaha illallah, tuflihu. Il leur disait, dites la ilaha illallah, hein, vous allez réussir, vous allez réussir. Il disait, tu peux nous ordonner de dire n'importe quoi, cette phrase, la ilaha illallah. On ne veut pas dire la ilaha illallah, on veut dire ce que tu veux. Cette phrase, on la dit pas. Et aussi, on a hadith, quand le prophète alayhi l'a envoyé Mu'ad ibn Jabal, il l'a envoyé au Yémen. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, innaka ta'ti qawma ahla kitab. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont de la science, qui ont un livre, ils savent. Innaka ta'ti qawma ahla kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah. Fi riwaya an yashhadu an la ilaha illallah. Donc, dans ce hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, ya Mu'ad, qu'est-ce qui va arriver? Quand il l'a envoyé au Yémen, il a dit, tu vas arriver vers des gens, Ahlul Kitab, hein, c'est des gens du livre. Faliyakun, que ce soit, que la première chose à laquelle tu les appelle-les tout d'abord à l'unicité d'Allah. Il n'a pas dit, non, la première des choses, an yashhadu an la ilaha illallah, qu'il témoigne, innaka تقدموا على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أن يوحد dans une رواية أن يوحدوا الله dans une رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله d'accord que la première des choses à laquelle tu les appelles que ce soit à l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى donc le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim donc التوحيد واجي première des choses et la dernière des choses. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. D'accord? لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله. Et ici, لقنوا أمواتكم, c'est pas quand, c'est au moment où il y a l'agonie que la personne elle est à la firash il mout. Elle va mourir. Ici, d'accord? يعني سبحان الله tu lui dis voilà, dis لا إله إلا الله. Mais bon, il ne faut pas insister, dit la ilaha illallah. Bon, s'il dit la ilaha illallah, bidnillah, directement au paradis. Si c'est sa dernière parole. Parce que le prophète, alayhi sallam, il dit, man kan akhiru kalamihi, na dunya la ilaha illallah, dakhla al-jannah. Celui dans la dernière parole qu'il prononce dans ce bas monde, et la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Et on a hadith rapporté. Hadith Sahih, apporté par le Bukhari, quand le prophète, qui montre que la première des choses c'était à laquelle le prophète il appelait, c'était La ilaha illallah. C'était comme le prophète, alayhi sallam, il a dit, Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu La ilaha illallah. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent La ilaha illallah. Fa'in qaluha asamu minni dima'ahum. Hein? أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة داكوغ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله الحديث داكوغ يسير بخوفة أسلم ولكن الشاهد عندنا Ce qui nous importe, c'est que le prophète, la première chose qu'il dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent La ilaha illallah. D'accord? Muhammad Rasulullah. Si, et qui font la prière et qui donnent, qui accomplissent la prière et qui accomplissent l'aumône. La zakat. S'ils font cela, leur sang et leurs biens sont interdits. D'accord? Illa bihaq l'islam. Et dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le hadith d'Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi sallatou salam, on l'a questionné sur les œuvres les plus importantes, les œuvres les plus éminentes, le prophète alayhi sallatou salam, il a dit Al-Imanu billahi wa rasoulih. Ayyul a'mali afdal. Quel est le meilleur acte? Il a dit Al-Imanu billahi wa rasoulih. Ensuite, la foi en Allah et en son messager. Ensuite, le prophète alayhi sallam, il a dit Al-jihadu fi sabilillah. Regardez, manzilatul jihad. Le prophète alayhi sallam, il n'a pas dit la prière. Il n'a pas dit, il y a un autre hadith, salat ala waqtiha. Dans un autre hadith. Afdal a'mal yani salat fi waqtiha. Dans ce hadith, le prophète alayhi sallam, il a dit Al-jihadu fi sabilillah. La deuxième chose après Al-imanu billahi. Le combat, le jihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je lui ai dit quelle est la meilleure œuvre. Ensuite, le prophète alayhi sallam a dit Hajj al-Mabrur. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi sallam a dit Hajj al-Mabrur, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Il dit que le pèlerinage, ensuite, le prophète alayhi sallam, quand il a été questionné sur la troisième œuvre, le prophète alayhi sallam a dit un pèlerinage pieusement accompli. حج مبرور حج مبرور دونك نط حديث الخوات عليه الصلاه والسلام يجي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه يعني لو بيليريناج بيوزمون اكومبلي il n'a pas de récompense il n'a pas de récompense si ce n'est le paradis si ce n'est le paradis et quand il le prophète عليه الصلاه والسلام a été questionné sur اي الذنب اعظم sur la plus terrible et la plus et la chose impardonnable et la chose pardon la plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. C'est que tu accordes et que tu rendes un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il t'a créé. D'accord? C'est que tu rendes à Allah subhanahu wa ta'ala un égal alors qu'il t'a créé. Et donc le shirk, c'est la chose la plus grave, comme ça a été rapporté dans ce hadith qu'on a cité, hadith Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Hadith rawahu al-Bukhari ou muslim, hadith sahih. Donc celui, donc c'est pour ça que celui qui meurt, comme on a vu, en étant monothéiste, en étant wahid, n'entrera pas du tout en enfer. Donc, ô mouahidin, réjouis-vous de ce tawhid et maintenez-vous et soyez fermes sur votre tawhid qui est pur. A l'inverse de celui qui meurt en étant kafir. Celui qui meurt en étant kafir, fa huwa khalidun fi an-nar. Éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala n'en sortira jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit fi sourate An-Nisa wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira. Ici c'est une shahada, c'est un verset muhkam qui prouve que celui qui a le tawhid, d'accord, et qui œuvre, d'accord, qui a le tawhid, qui a, c'est pas, il dit la ilaha illallah avec sa langue, il te dit la langue, il te dit al-imanu fil qalb, il te dit la foi, elle est dans le cœur. D'accord, comme certains firaq de Murji'a. Il te dit, c'est bon, il dit la ilaha illallah. Tu dis la ilaha illallah, tu vas faire ce que tu veux. C'est bon, rak mouahid. Tu es mouahid. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque ici, homme ou femme, Waman, ici c'est homme ou femme, Waman yamal min as-salihat, et quiconque fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, c'est la condition, tout en étant croyant, voilà qu'ils entreront au paradis. Faoulaika yadkhuluna al-janna, wa la yudlamuna naqira, et on ne fera aucune injustice envers eux. Wa qala subhanahu wa ta'ala, fi sourati nisa, kadhalik, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelqu'un comme associé. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Et à part cela, il pardonne à qui il veut, subhanahu. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Mais la chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est le shirk. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et dans sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: quiconque associe à Allah d'autres divinités, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, Allah lui a interdit le paradis. Donc, un mouchrik ne rentrera pas au paradis s'il meurt en étant mouchrik. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. On met les zalimina min ansar. Ils n'auront personne pour les secourir. Donc, At-Tawhid est le premier commandement. At-Tawhid, awwalan wa akhiran. At-Tawhid, c'est le bagage que tu emportes et que, avec lequel tu voyageras tout au long de cette vie, et que tu délaisseras en aucun cas, et que tu ne perdras pas de vue. At-tawhid taj'aluhu nisba 'aynayk. Tu le gardes tout le temps, hein, et tu ne le perds pas de vue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le shirk, et c'est la chose que Allah azza wa jal, d'accord, ne pardonne pas. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam était en garde, et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre le shirk. Comme il a dit dans le hadith al-Qudsi, ana aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirku. D'accord? Et dans le hadith al-Qudsi, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: je suis celui qui se passe d'associer. Celui qui m'associe quelque chose, je le délaisse totalement à ce qui m'a associé. Donc les gens, les koufars, comme le prophète alayhi sallam, il nous a dit que les koufars, quand ils venaient au monde, quand ils naissaient, que les parents, les gens sont nés musulmans, et c'est les parents qui les rendent soit juifs, soit chrétiens. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ma min mauloudin illa yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yani, l'être humain, il est né mouahid musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun enfant naît sans qu'il ne soit avec la nature originelle, al fitra. Il est né selon une prime nature, al fitra. On l'appelle la prime nature. Et ce sont les parents qui font de lui un juif, ou un chrétien, ou un majous. Majous, ubadun nar. Ils adorent quoi? Ils adorent le feu. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith Qudsi, il dit: inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum atathumu shayatin fajjalathum عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit: j'ai façonné tous mes serviteurs sur la prime nature, al-fitra. Ici, hunafa, ça veut dire qu'ils se penchent du batil vers al-haq. Hunafa, ils se penchent. Il se penche du faux, du batel, et il se penche vers la vérité, il suit la vérité. Ils ont une prime qui les pousse à suivre la vérité. Et comme le prophète alayhi sallam dans le hadith apporté par Muslim et Bukhar et Muslim dans Muslim, seulement par Muslim, le prophète alayhi sallam, il dit: walladhi jure, walladhi nafsi biyadi, la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudi wa la nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashab an-nar. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a dit juste seulement, il n'a pas dit il faut croire, non, il a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, quiconque de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, seulement il entend parler de moi Et il ne croit pas en moi. Avant de mourir, il rentre et en fait, il est parmi les gens de l'enfer. Il sera parmi les gens de l'enfer. Ici, le prophète Hassan Yesma, il dit, Laïesmaoubi. Juste le fait d'entendre que comme quoi il y a un prophète qui a été envoyé et que il s'appelle Mohammed alayhi, que c'est le sceau des prophètes, et tu meurs et tu crois pas en lui, tu fais partie des gens de l'enfer. Tu fais partie des gens de l'enfer. D'accord? Donc on a vu que pour les croyants, hein, la parole de la ilaha illallah, si la prononce avant de mourir, c'est directement le paradis. Et le hadith, il a été rapporté par muslim, il a rappelé à vos proches, aux gens, hein, qui sont sur le lit de la mort, rappelez-leur qu'il n'y a nulle divinité autre qu'Allah. Il n'y a D'accord, aussi, dans notre hadith, le prophète, il dit, « Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. » Celui dont la dernière parole est, il n'y a pas de divinité autre qu'Allah, ira au paradis, rentrera au paradis. Donc, on voit que l'importance du tawhid. Et aussi, on a un hadith que j'ai lu et que j'ai regardé à Tahqiq, et j'ai trouvé pendant longtemps, en fait, je le disais, et Allah, quand j'ai regardé Tahqiq, j'ai trouvé qu'il était faible. Il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de prédicateurs le citent, ce hadith. C'est le hadith ou hadith. C'est comme Moussa, il a demandé à Allah, lui a dit, Ya Allah, apprends-moi une invocation avec laquelle je t'invoque. Ya Rabbi, allimni du'a, ad'ouka bihi wa as'aluk. Apprends-moi une invocation avec laquelle je t'invoque et je te demande. Allah, il a dit, Ya Moussa, qul la ilaha illallah. Il a dit, Ya Moussa, il n'y a nulle divinité que Allah. Il a dit, Moussa, Ya Rabbi, tous tes serviteurs prononce cette parole. Moi, je veux une parole qui me soit spécifique, que je prononce moi seul. Il lui a dit, Ya Moussa. Allah a dit, Ya Moussa. Si on met la ilaha illallah sur un côté de balance, et qu'on met tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre, et entre les deux, c'est-à-dire entre la terre et les cieux, d'un côté de la balance, la ilaha illallah pèsera plus lourd que ce qu'il y a, que l'autre côté. D'accord? Mais, subhanallah, j'ai trouvé que ce hadith, il a été rapporté par Shoukani dans son livre dans le Bayhaqi, l'Asma au Sifat. Mais ce hadith, il a été rendu fait par Cheikh Albani, et par le Majmou Amil Ulama. Ce hadith, il est donc faible. At-Tawhid, awwalan wa akhiran. Aussi, on a hadith Mu'ad ibn Jabal, quand il était avec le prophète, il était derrière lui sur un âne, il lui a dit, Ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Ensuite, quand tu l'as dit, mais c'est pas le hadith que je voulais citer. Hadith que il a dit, est-ce que tu sais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit, Allah wa rasuluhu a'lam, qal an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Il a dit, le droit d'Allah Subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est que il l'adore et qu'il n'associe rien à lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète alayhi sallam dit, Ya Mu'ad, il lui dit, labbayka ya Rasulallah wa sa'dayk. Il lui a dit, est-ce que tu sais c'est quoi? Al tadri ma huwa haqqul ibadi ala Allah. Ensuite, tu lui as dit, est-ce que tu sais c'est quoi le droit des serviteurs envers Allah? Oui, t'as un droit envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il te fasse, il a dit, le prophète, il a dit, ce qu'il fait, qu'il fasse rentrer ses serviteurs au paradis, s'ils associent rien à lui, subhanahu wa ta'ala. An yudkhilahumul jannah, idha lam yushriku bihi shay'a. Donc ça, c'est une shahada. C'est une assurance que tu as, d'accord, si tu as ce que Allah t'a demandé, c'est-à-dire d'avoir l'unicité d'Allah dans ton adoration. Et c'est le titre que Muhammad ibn Abdul Wahhab a donné à son livre Tawhid, il a appelé comme ça le titre, c'est l'unicité d'Allah qui est le droit d'Allah envers ses serviteurs. C'est le droit d'Allah envers ses serviteurs. La première des choses, Allah, quand Oussama, en fait, dans une bataille, il a combattu un mécréant et arrivé, lorsqu'il a voulu le tuer, il a dit, le mécréant, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, et il l'a tué. Jusqu'à que le prophète, alayhi sallam, il a su, et on lui a rapporté comme quoi il l'avait tué, alors que ce mécréant, ce kafir, il avait dit, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Le prophète, alayhi sallam, il s'est énervé. Et il l'a appelé. Et il a dit, Ya Oussama. Il lui a dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit, La ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit, La ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit, La ilaha? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a répété plusieurs fois. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu ferais, hein, si il venait yawm al-qiyama avec La ilaha illallah? Qu'est-ce que tu répondras? Qu'est-ce que tu diras? Et si Oussama, il a dit, mais il l'a dit par peur de l'épée. Il avait peur du sabre. Il avait peur de la mort. Donc, par précaution, il a dit, là, il est là pour qu'on le laisse. Et il lui a dit, Ashaqaqta ala qalbi, est-ce que tu as ouvert sa poitrine et est-ce que tu sais ce qu'il avait vraiment dans le cœur? Et c'est pour ça que nous, on dit que celui qui dit, là, il est là, akhadna bil zahir. Celui qui dit, là, il est là, Muhammad Rasulullah, lahu ma lana wa alayhi ma alayna. Et il devient comme nous. C'est notre frère. Donc si, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans surat Tawbah, Fa'intabu, s'ils se repentent, et ils accomplissent la prière, ils accomplissent az-zakat, ce sont vos frères. Ils sont nos frères. D'accord? Et on fait pas, nous, on ne fait pas de différence entre Hada Maghribi, Hada Faransi, Hada. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من الرباط إلى جاكرتا فهو أخ لنا له ما لنا وعليه ما علينا celui qui dit لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما المؤمنون إخوة certes les croyants sont des frères والأخوة الدينية أعظم وأجل وأبقى من الأخوة الطينية وأخوة النسب et on dit que la fraternité dans la religion elle est plus grande et plus durable est plus forte que la fraternité du sang. La fraternité de religion, elle est plus forte. D'accord? نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم. نلتقي في درس مقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.